plante l'abri où tu veux. Une casse-bas, un tipi seulement pour deux. La terre, le feu, c'est pas un problème. Notre île offrira le moindre étant qu'on s'aime. Rien à craindre. On se nourrit à l'eau. C'est vraiment pas des mensonges, tu sais. Si tu plonges avec moi, je sais. Je te suis où tu vas. C'est une idylle connue qui en met plein la vue. Promis, on en aura. Tu verras l'Éden à temps complet. Un bain de jouvence toute l'année. Ton lait duvet, c'est pas un problème. Notre île offrira l'étreinte. Et tant qu'on s'aime, rien à peindre, plage et palmiers seront là. C'est vraiment pas des mensonges, tu sais. Si tu plonges avec moi, je sais. Je te suis où tu vas. Si tu prends ton élan, si tu pars, emmène-moi. Moi je franchis le pas. Et même si c'est difficile, te promettre un lit d'île. Promis, on en aura. Contre les excès de solitude, je l'ai rempli de plénitude. Aucune question, c'est plus un problème. Tant que je sais que tu m'aimes. C'est vraiment pas des mensonges, je le fais pour de vrai. Je te suis où tu vas. C'est vraiment pas des mensonges, je le dis pour de vrai. Je te suis où tu vas. Et tant qu'on s'aime, rien n'est fou quand on s'aime comme nous. Et tant qu'on s'aime, rien n'est fou quand on s'aime comme nous. La la la la la la. Rien n'est fou quand on s'aime comme nous.